Mi connais pas quel vient de gars, mais à moi ma panie pour volaille. Mi préfère bonne gazelle, il saute partout. Bambi, avec toi je veux fly. En douce, en misouk, avec moi il va y avoir des secousses. Si c'est bien l'homme pas trop cool, c'est coup ça. Mais le gars a quand même un petit gousse. Ouh, yes, ah ouais, bête d'adresse. La sortie il aime crier ou paner, mais à même il aime quand il braise. Rappelons yes, ah ouais, bête d'adresse. Arrête. La sortie il aime crier ou paner, mais à même il aime quand il braise. Appuyez, appuyez, appuyez. Si le nappe fait les moelleux, les yeux font appuyer. Ou autant va, appuyez, appuyez, appuyez. Si le nappe fait les moelleux, les yeux font appuyer. Ah, moi m'y rôle pas quel bail, moi m'y suis seulement. Que ça soit qui se volaille ou gazelle, m'y déguise seulement. J'ai fait mettre un peu l'eau, maman peut pas m'y boire l'alcool. Et mec pas trop chanson, chata, m'y aime ces gars créoles. J'y viens mettre ça tout tout bang, bang, bang, bang. Rappelons yes, ah ouais, bête d'adresse. Arrête, la sortie y'aime crier ou paner, mais à même y aime quand il braise. Rappelons yes, ah ouais, bête d'adresse. Arrête, la sortie y'aime crier ou paner, mais à même y aime quand il braise. Appuyez. Si le nappe fait les moelleux, les yeux font appuyer. Ou autant va appuyer, appuyer, appuyer. Si le nappe fait les moelleux, les yeux font appuyer. Non, c'est bon. Dota, offrez ton cousin en place. Les yeux, il s'accasse sa baraque. Soleil pète, oh ma gun, qu'est-ce que vous l'avez en place. Le kiss, y'a max. Et là, il compresse, sans stress. Ah ouais, attends seulement quand il glisse. Chef étoilé, puis cuisse, pot de lait. Après ça, même le zozo de 6. Appelons yes, ah ouais. Il aime crier ou paner, mais à même il aime quand il braise. Rappelons yes, ah ouais, bête d'adresse. Arrête. La sortie il aime crier ou paner, mais à même il aime quand il braise. Appuyez, appuyez, appuyez. Si le nappe fait les moelleux, les yeux font appuyer. Ou autant va appuyez, appuyez, appuyez. Si le nappe fait les moelleux, les yeux font appuyer. Non, c'est bon. A paquetané, barré, barré, du Brasil. Português, a pipa, tuna, tuna, tuna, tuna, ah, ah, ah, ah, paquetané.